Spoken Enterprise, coefficient 9, espace-temps 9950. Nous entrons dans une galaxie inconnue. Capitaine Kirk. Le radar indique une présence inconnue. Oh, ça, c'est du vieux synthé, ça, non? Ou alors un très bon VST. Capitaine Kirk. Nous demandons, Capitaine Kirk. Avgo, Capitaine Kirk, vous m'entendez? Vous me recevez, Avgo? Yeah. J'essaye, hein. Si vous êtes d'accord. Ça va. Ah merde, on peut pas. Et ma guitare, play. Ou joue, Jeannot. Jeannot. No. Yes. But I